je suis jaune du bord de l'eau. Je me promenais sur l'eau, dans mon bateau, quand il a coulé mon bateau. Et j'allais me noyer quand tu m'as sauvé, avec ton sourire polissant et ta queue de poisson. C'est pas facile d'être amoureux d'une fille qui vit à 20 000 lieues sous l'océan. Pour lui rendre visite, faudrait aller à la baignade, et même quand elle est froide. Passe depuis.